me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Albert Camus, prix Nobel de littérature à Stockholm, le 10 décembre 1957. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que manifeste l'indéfinition du social-libéralisme et son rejet sans analyse critique, demande Pierre Ozanvallon. Malgré des réformes politiques majeures, pourquoi l'expérience du New Labour en acte de Tony Blair s'est-elle avérée un cuisant échec ? Qu'est-ce qui s'est joué avec la notion de l'égalité des chances alors que l'économie anglaise était régie par le mécanisme du gagnant qui rafle tout, ce qui accroît considérablement les inégalités? Comment la vision nostalgique, conservatrice et restauratrice a-t-elle ôté aux différentes sensibilités de gauche la capacité à gouverner l'avenir? Quel a été le grand retournement du paysage des idées dans les années 1990? Comment les ambitions opposées des nouveaux économistes et de la nouvelle droite, on découvre une nouvelle famille, ont-elles finalement échoué à opérer un retournement d'hégémonie? Pierre Ozanvallon, intellectuel atypique, historien, philosophe, passé d'HEC à la CFDT, puis à l'École des hautes études en sciences sociales avant le Collège de France, où il est titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, mêle son itinéraire personnel à une vaste fresque collective où il interroge sur deux années l'histoire politique et intellectuelle de 1968 à 2018 et les maux du temps présent. Depuis les cours précédents, il a examiné les nouvelles cultures politiques des années 1990, le souverainisme, le national-populisme, et il s'est penché hier sur les mutations de la gauche, l'émergence d'une nouvelle culture avec la gauche de résistance à partir des grèves de 1995 et la conversion décalée de la gauche de gouvernement à la social-démocratie. Cette gauche de gouvernement, formant la majorité du Parti socialiste, s'est progressivement trouvée comme vidée de sa substance, notait Pierre Ozanvallon, ne se montrant plus capable que de définitions négatives d'elle-même. Dans le contexte du désenchantement européen et de l'épuisement de la social-démocratie, l'historien philosophe du politique soulignait également que ce socialisme de gouvernement s'est avéré incapable de se doter d'un langage propre et neuf, à la différence du New Labour britannique, dont l'offensive idéologique avait marqué le milieu des années 1990. Jospin et les socialistes français avaient pris leur distance avec le manifeste Blair-Schröder de 1999, jugé trop à droite, mais sans pour autant définir précisément leur identité alternative. Pierre-Ozan Vallon notait enfin, et je le cite à nouveau, « Si la politique consiste à donner un langage à ce que vivent les hommes et les femmes et à leur indiquer le chemin des possibles, force est de constater que le socialisme réformiste avait dès cette période cessé d'incarner une puissance d'avenir et qu'il n'avait plus la capacité de représenter le monde social. C'était évident pour le socialisme français, mais ce l'était tout autant pour celui des autres pays. » Il restait à interroger ce qu'on allait appeler la troisième voie avant d'aborder le nouveau paysage des idées en deuxième partie de cours. Et nous gagnons tout de suite la Grande-Bretagne de Blair et l'amphithéâtre du Collège de France les 17 et 24 janvier pour le cours de Pierre-Ozan Vallon, aujourd'hui « Misère du social-libéralisme et nouveau paysage des idées ». Lorsque Tony Blair avait été nommé Premier ministre en mai 1997, la Grande-Bretagne sortait de 18 longues années de pouvoir conservateur marquées par la révolution thatchérienne. Et personne n'avait pensé dans le pays qu'il serait possible d'en revenir au travaillisme des années 1960, y compris dans les cercles proches de Neil Kinnock, le leader défait par la Dame de Fer. Dès les années 1980, et plus encore au début des années 1990, les travaillistes s'étaient ainsi mobilisés pour se refaire un bagage d'idées susceptible de leur redonner un pouvoir d'attraction auprès des électeurs. Chacun sentait en effet bien que la bataille de la reconquête politique aurait une dimension intellectuelle décisive. Et il était clair que c'était l'idée socialiste elle-même qu'il s'agissait de reformuler à l'âge de la mondialisation et d'une économie plus ouverte, dans un contexte donc bien différent de celui de la première révolution industrielle qu'il avait vu naître. La question se posait partout en Europe, mais la brutalité de la rupture thatchérienne radicalisait les termes de l'interrogation en Grande-Bretagne. Le débat intellectuel fut pour cela particulièrement riche et animé au milieu des années 90 en Grande-Bretagne. Des think tanks comme l'Institute for Public Policy Research, qui était directement lié au Labour, au DEMOS ou le New Policy Institute, ouvrirent de nombreux chantiers et multiplièrent les contacts sur le continent. C'est de cette façon que j'avais fait la connaissance de David Miliband et de Geoff Mulligan. La revue The Political Quarterly connaissait de son côté un nouveau souffle sous la houlette de David Marquand, qui était un théoricien politique à cheval sur l'université et la politique. Et je lisais aussi le magazine Prospect, qui élargissait un public citoyen tout ce travail d'exploration. En ce début des années 1990, ce qui ne s'appelait pas encore le New Labour, cette appellation ne s'imposera qu'avec la victoire au congrès du parti travailliste de 1994 de Tony Blair, correspondait à un espace intellectuel très stimulant et très vivant. C'est dans cet espace que sont apparus et qu'ont été développés pour la première fois les travaux sur l'État-providence comme investisseur social de Gösta Espinhe-Andersen, ceux de Will Hutton sur la stakeholder economy, l'économie de partenaires, sur la notion de capacité forgée par Amartya Sen et Martha Nussbaum, la réflexion de Dworkin sur la redéfinition de l'égalité, ou encore toutes les réflexions de Jerry Cohen, qui était le chef de file du marxisme analytique, sur l'égalité radicale des chances. Beaucoup de pistes nouvelles s'étaient ouvertes de la sorte. Et cette redéfinition de ce qui allait devenir le New Labour s'était passée à un moment de vitalité intellectuelle très particulière. C'était au moment où je venais de terminer la rédaction de la nouvelle question sociale et je suivais donc avec beaucoup d'attention tous ces travaux vers lesquels je reviendrai d'ailleurs plus tard à de nombreuses reprises. L'expérience de New Labour en acte s'avérera pourtant être un cuisant échec, même s'il convient de ne pas oublier les réformes politiques majeures qu'ont été la dévolution avec la mise en place d'un Parlement élu en Écosse et d'une assemblée similaire au Pays de Galles, avec également l'abolition du droit de vote de la plupart des pairs héréditaires à la Chambre des Lords et l'incorporation de la Convention européenne des droits de l'homme dans la loi britannique, ou encore, peut-être le plus important, le règlement du conflit en Irlande du Nord. Mais les raisons de l'échec du Labour, échec qui trouvera son point d'orgue avec la défaite électorale de Gordon Brown en 2010, qui avait succédé en 2007 à Blair, sont apparemment faciles à énumérer. Il y a bien des décisions qui ont en effet progressivement contribué à l'érosion du crédit de Blair, notamment et au premier chef, pourrait-on dire, la participation à la guerre en Irak aux côtés des Américains en 2003, qui a marqué une rupture dans dans la société britannique et dans l'électorat. Mais c'est de façon plus précoce. Le parti pris entre la dissociation totale entre la détermination des règles de la gestion de l'économie et celle de la justice sociale qui conduisit à l'échec. L'idée d'un stakeholder capitalism, opposé au traditionnel shareholder, le capitaliste actionnaire, qui avait séduit les syndicats et le monde du travail en indiquant la direction d'une cogestion des entreprises à l'allemande, céda ainsi rapidement la place à une politique strictement pro-business qui sanctuarisait en même temps toutes les prérogatives de la City et les libertés données au marché financier. Une vision étroitement managériale de l'État et du service public désorienta aussi nombre des électeurs. Mais c'est plus encore la philosophie politique et sociale d'ensemble de New Labour qui s'avéra problématique et in fine incapable d'offrir une alternative à l'épuisement du modèle social-démocrate antérieur dont participait le travaillisme traditionnel. Ce qui compte, c'est ce qui marche, avait expliqué Blair dans son programme de 1997, voulant ainsi faire de son pragmatisme un atout majeur. Comparé à Gordon Brown, ce n'était certes pas un homme d'idées. Il avait plus fait confiance à ses spin doctors pour lui fournir des éléments de langage percutants qu'aux intellectuels qui avaient tenté de donner un corps de doctrine cohérent au New Labour, même s'il sut habilement utiliser en Phoney Giddens. On a retenu le terme de troisième voie pour qualifier cette doctrine. Mais cette dénomination politique correspondait pour l'essentiel, en fait, à une théorie de la justice sociale greffée sur une économie de marché classiquement régulée. Sans que les choses aient vraiment été théorisées chez Blair, il s'était en même temps approprié ce qui constituait la clé de voûte du mouvement, une théorie de l'égalité des chances. S'il fallait définir le New Labour, c'est-à-dire le New Labour s'est défini par une théorie de l'égalité des chances. Même si Blair l'avait fait sur un mode mineur en termes de contenu, mais majeur en termes de portée du principe. Sa philosophie politique, sociale et morale, c'était celle de l'égalité des chances, et c'est cette politique qui s'est avérée inopérante ou qui s'est avérée problématique. Dans le travail intellectuel du début des années 1990, l'égalité des chances avait été comprise de façon extensive et rénovée par beaucoup d'auteurs. Bien au-delà de la traditionnelle égalité légale des chances dont se définissaient les révolutionnaires français, les Gustav Espéné Andersen, Amartya Sen et consorts parlaient de politique du potentiel, d'État capacitant, politics of potential and enabling state, le but de l'État étant de donner aux individus les moyens de se réaliser et de progresser au-delà du simple droit à la santé. C'est en matière d'éducation et de formation, de culture ou d'accès à des biens publics, comme le transport, qu'avaient été déclinées les notions de capacité. Il avait aussi été plus largement question d'un État investisseur dans le capital social, le tout dessinant une alternative à un État-providence traditionnellement conçu comme réparateur et redistributeur. Le problème du New Labour était que cette perspective d'une égalité réelle des chances est greffé chez Tony Blair tout particulièrement sur une morale du devoir et de la responsabilité individuelle qui revenait à placer très loin le curseur de la légitimité des interventions publiques pour soutenir les individus. De telle sorte que cela a surtout été, en fin de compte, en matière d'action en faveur de l'enfance, que se concrétisera la théorie de la politique du potentiel et de l'État capacitant. L'enfant méritant en effet inconditionnellement d'être aidé, parce qu'il est par nature irresponsable. Et une mesure phare qui sera adoptée sera la création en 2002 du Child Trust Fund, qui avait pour objectif d'assurer à tous un capital de départ dans la vie. Ressortissant d'une politique d'asset-based welfare, c'est-à-dire un welfare qui donne un équipement dans les différentes formes de capital dont peuvent avoir besoin les individus, cette institution avait dans son principe une dimension progressiste, puisqu'elle partait de l'idée que l'inégalité des patrimoines constituait dorénavant un problème essentiel et que cette conception du capital de départ s'apparentait dans son esprit au concept de revenu d'existence, envisagé dans ce cas sur le mode d'une dotation universelle en capital. Mais mis à part ce dispositif dont la faible ampleur traçait la limite, d'ailleurs, le système, c'était qu'on donnait 500 livre de départ à chaque famille modeste, tous les 7 ans, que les parents pouvaient abonder cette somme, et que lorsque l'enfant avait 18 ans, eh bien, il aurait un petit capital. Mais on ne sait pas encore ce que ça va devenir, puis c'est en 2020 que le système sera ouvert. Mais enfin, ça reste, disons, quelque chose de, finalement, de très faible ampleur. Et donc, une grande idée de philosophie politique et sociale a été successivement réduite d'une triple façon. Elle a été réduite dans son champ, elle a été réduite dans la dimension des conditions de sa mise en œuvre, elle a été réduite parce que la variable décisive dans une politique de l'égalité des chances, c'est toujours la place que l'on accorde à des formes de socialisation de la responsabilité ou d'imputation de la responsabilité individuelle. Et s'il y avait un point commun entre Tony Blair et Margaret Thatcher, c'était que tous les deux insistaient sur l'importance des valeurs chrétiennes dans la constitution de la société anglaise. Margaret Thatcher avait été à la fois ultra-libérale, mais elle avait été ultra-classique pour défendre les valeurs de la famille, pour défendre les valeurs de la religion, pour défendre les valeurs de la patrie. Et d'un certain point de vue, Tony Blair partageait cela. Et donc, en même temps que cette notion d'égalité des chances était en quelque sorte dévitalisée sur ces trois modalités, les dirigeants du New Labour n'avaient pas pu trouver de philosophie politique capable d'entraîner en quelque sorte le pays sur une nouvelle voie. Mais d'un certain point de vue, c'est même la définition de la société qui découlait de leur philosophie de l'égalité des chances qui pouvait être critiquée. Parce qu'elle conduisait en effet à considérer comme naturel le nouveau cours du capitalisme, le but étant seulement de donner à chacun une opportunité égale d'y trouver avantageusement sa place. Les différences de talent ordonnant ensuite des inégalités considérées comme légitimes, puisque ne dépendant que de la créativité ou de l'engagement de ces individus. Il n'y avait dans cette perspective même aucune limite qui était fixée a priori aux écarts de revenus. Nous sommes parfaitement à l'aise vis-à-vis de personnes qui deviennent outrageusement riches pour autant qu'elles paient des impôts, avait été jusqu'à dire Peter Mandelson, qui était un des principaux ministres de Tony Blair, une des personnes les plus proches de lui, formulant à l'anglaise « rising tide lifts all boats », qui était la formulation anglaise de la théorie française du ruissellement. Cette théorie de l'égalité des chances a en effet été confrontée à ce moment-là à un obstacle matériel majeur, c'est celui des mécanismes qui se sont mis en place dans l'ensemble de la société qu'on appelait du « winner take all ». C'est-à-dire les mécanismes selon lesquels l'accroissement des inégalités était lié à la fois à des mécanismes de captation qui pouvaient être déconstruits, mais étaient liés sur le fond à des conditions dans lesquelles les modalités de production et d'expression de la richesse permettaient à quelques individus de capter l'essentiel de la progression des revenus, ce qui était évidemment le cas de façon spectaculaire dans le monde du sport et dans le monde du showbiz, disons. Et donc, cet avènement d'une winner-take-all économie rendait encore plus urgent, pourrait-on dire, le fait de reconceptualiser de façon peut-être plus novatrice les théories de l'égalité des chances et surtout de montrer que les limites de les théories de l'égalité des chances, c'est qu'elles définissent, par leur construction, elles définissent les conditions dans lesquelles peuvent être considérées comme légitimes des écarts matériels entre individus. Mais elles ne définissent pas l'égalité comme une forme sociale. Et c'est en développant la réflexion critique sur ce qu'avait été cet échec, je dirais, du New Labour, que j'ai compris que le problème n'était pas simplement de définir de façon radicale l'égalité des chances, y compris dans celle qui pourrait aller jusqu'à des formes de revenus universels ou d'égalité d'un capital de départ, mais qu'il fallait comprendre et que cela pouvait être un projet, lui, proprement positif, l'égalité comme une forme sociale définie par les différents éléments de respect mutuel, de communalité, de réciprocité, de dignité partagée ou de reconnaissance des singularités. Donc, il y aurait eu tout intérêt pour les socialistes français à faire cette analyse critique précise du New Labour, ce qui n'a pas été fait et ce qui les a conduits à rester un certain nombre de généralités sur le réformisme. Il est résulté de ces transformations des différentes cultures politiques de la gauche, qu'il s'agisse de la gauche de gouvernement ou de cette gauche de résistance, d'un nouveau rapport à l'avenir. Il y a une formulation de Camus qui s'est mise à être de plus en plus citée dans les années 2000. C'est un certain nombre d'extraits de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1957. Tout le monde connaît maintenant cette formule qui était répétée à l'envi par nombre de personnes. Je le cite, « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Cité par des personnes de tous bords, ces mots de Camus ont fait entendre de plus en plus fort leur petite musique, jusqu'à donner le sentiment de constituer le mot d'ordre implicite de l'époque. Il y avait des préoccupations objectives qui pouvaient le justifier. Dans le sillage de la diffusion à la question de l'attention à la question écologique, par exemple, en raison aussi, sur un terrain plus directement idéologique, de la frénésie avec laquelle certains avaient appelé à rompre avec toute une histoire sociale du pays. Un dirigeant du MEDEF avait ainsi parlé de la nécessité de sortir de 1945 et, je le cite, de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Et quand soufflent les vents mauvais de la réaction, que s'accumulent les nuages noirs sur l'horizon, il est logique que se dresse un esprit de résistance qui cherche à ce que le monde ne se défasse pas. Mais dans l'histoire, résister avait toujours été conjugué avec imaginer. Cela avait notamment été le cas dans la résistance à l'occupant nazi. Les combattants agissaient la nuit et rédigeaient le jour des projets de constitution, des programmes de reconstruction économique, de réforme sociale. Cela avait encore été patent dans les années 1970. Puis, le lien s'était progressivement distendu. Résister, c'est plutôt lié à une vision restauratrice face à l'avènement du nouvel ordre néolibéral. Retour aux politiques keynésiennes, sauvetage de l'État-providence existant, défense de l'État jacobin et du service public traditionnel, des idées, des principes d'action, des institutions et des formes politiques auparavant considérées à bout de souffle, en crise ou à minima devenu problématique, se virent ainsi de nouveau parés de toutes les vertus, érigés en désir d'avenir, conduisant de facto à abandonner les précédentes réflexions sur l'avènement d'un monde plus autonome et plus participatif sur le rayonnage des utopies inutiles. La conservation des héritages a de la sorte progressivement imposé sa priorité dans bien des esprits à gauche. La gauche de résistance est inscrite dans cette vision nostalgique, conservatrice, restauratrice. Mais cela a aussi été le cas de la gauche de gouvernement, quand elle a entendu se réidentifier à une défunte social-démocratie. Dans le monde intellectuel, en France aussi bien qu'à l'étranger, certains ont attribué dans le même sens les difficultés de la gauche à un oubli de ses origines. Particulièrement significatif a été l'ouvrage écrit par l'historien Tony Judt, qui, peu de temps avant ce décès, c'est un essai qui avait pour titre « Il fair the land », c'est-à-dire le mal guide le pays, qui invitait à renouer avec la générosité de l'après-guerre. En même temps qu'une professeure de sciences politiques avait écrit un livre à beaucoup de succès aux États-Unis, Sherry Berman de Columbia, il a écrit un livre qui avait pour titre « The Primacy of Politics, Social Democracy and the Makings of Europe's 20th Century », dans lequel elle expliquait qu'il fallait en revenir aux idées originaires de la social-démocratie pour sortir des difficultés contemporaines. Là aussi, la perspective était une perspective de restauration. Et c'est de cette façon que les différentes sensibilités de gauche sont plus avérées capables de gouverner l'avenir. Et ce n'est pas tant l'idée de progrès qui s'est effacée, comme si c'était simplement une croyance qui avait disparu, comme si c'était simplement une capacité d'utopie qui s'était effacée, comme si c'était aussi une sorte de paresse de l'imagination. mais que c'était la formulation d'idées, de concepts susceptibles de redessiner l'horizon de nouveaux possibles qui était en cause, comme cela avait été le cas dans les deux premiers cycles de la modernité. On peut dire en effet que chaque crise de la modernité, j'y reviendrai dans les cours prochains, chaque crise de la modernité s'est liée à des moments de reformulation des termes de progression et de développement de cette modernité. Et on peut dire que c'est ce qui fait aujourd'hui défaut. Et même d'une certaine façon, la priorité qui est donnée aujourd'hui aux actions de préservation de la nature, aussi nécessaires qu'elles soient, sont hélas devenues un substitut à un impératif de transformation sociale qui ne trouve plus ses formulations. Et c'est pour cela que la claire conscience des conditions dans lesquelles s'est opérée dans ces mêmes années, en même temps qu'il y a eu ces reformulations des cultures politiques, de considérer de quelle façon s'est produit ce qu'on pourrait appeler le grand retournement idéologique des années 1990 et 2000, constitue un élément d'analyse indispensable pour essayer peut-être de faire avancer cette question. My heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes all manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel rubbish of life. Oh, it's a century's remedy. But the pain that haunts him. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui Misère du social-libéralisme et nouveau paysage des idées. Je voudrais maintenant examiner les transformations du paysage des idées proprement dit. Ce paysage des idées va en effet, lui aussi, être bouleversé à partir des années 1990, conduisant à ce qui a récemment pu être qualifié de grand retournement, redessinant les lignes de fracture intellectuelle dans le pays. Rien de cela n'était perceptible au tournant des années 1980. Dans l'ordre politique, l'affrontement entre la deuxième gauche et la gauche, disons, marxiste traditionnelle, ordonnait toujours les débats essentiels. C'est à droite que les choses ont d'abord commencé à bouger, avec l'émergence de pensées issues de cet horizon qui proposeront de repenser à neuf le monde. Cela ne s'était plus produit depuis les années 1930, après l'effacement de l'Action française et les élucubrations fascisantes des Drieux La Rochelle, Doriot, Déa et consorts. La droite de l'après-guerre, en effet, ne s'était prosaïquement défini que par des intérêts à défendre ou un ordre à maintenir, des prudences et des peurs. Elle s'était plus tard incarnée physiquement dans la grande manifestation du 30 juin 1968 sur les Champs-Élysées. Elle n'avait pas besoin de revues ou de cercles d'études pour s'imposer, d'éditorialistes tout au plus, éditorialistes parmi lesquels la plume de Raymond Aron se distinguait avec éclat. Un Aron qui pourtant ne pesait que faiblement sur le cours des choses. La droite restait ainsi intellectuellement dominée, pour résumer la question. C'était toujours la gauche, au sens le plus large du terme, qui donnait le ton dans l'ordre des idées. Elle indiquait ce qu'étaient les périls à conjurer et les revendications à honorer, les indignations qu'il était juste de formuler et les figures du bien sous la bannière desquelles il fallait s'enrôler. Elle était le parti de la science et de la bonne conscience. Si elle était contestée par son irréalisme ou les possibles effets pervers de ses projets, et Albert Hirschman avait sur ce point bien montré la centralité de ce dernier ressort critique dans son livre « Deux siècles de rhétorique réactionnaire », personne ne suspectait sa générosité. Dominante politiquement et économiquement, la droite était, à l'inverse, intellectuellement dominée. Alors que s'approchaient des échéances électorales décisives, celles de 1978 et 1981, diverses initiatives se proposèrent de conjurer cette faiblesse, en dotant cette droite d'un corpus doctrinal susceptible de la constituer en force positive et désirable d'avenir. Deux entreprises jouèrent un rôle majeur pour essayer de donner corps à ce projet. Celle des nouveaux économistes d'un côté et celle de la nouvelle droite de l'autre. L'émergence des nouveaux économistes fut suscitée par l'apparition d'un ouvrage, « Demain, le capitalisme », dû à la plume d'Henri Lepage, un journaliste travaillant pour le compte de l'Institut de l'entreprise. Ce livre avait la forme d'une enquête sur ce qui était présenté comme le grand renouvellement de la pensée économique aux États-Unis. L'objectif était clairement affiché. Réagir, selon les termes de l'auteur, à l'intoxication intellectuelle qui avait conduit toute une partie de l'intelligentsia et de l'opinion française à baigner dans une culture marxiste diffuse, spontanément critique du capitalisme. Pour défendre efficacement l'entreprise et l'économie de marché, il fallait, pour Lepage, redonner ses lettres de noblesse à un capitalisme authentique en l'arrachant aux imageries négatives du XIXe siècle. Ceux qui défendent le libéralisme sur le plan politique, avertissait-il, doivent avoir conscience des liens étroits qui unissent la philosophie libérale au fondement scientifique de la société capitaliste. Il faut que ceux qui adhèrent à une philosophie libérale cessent d'avoir mauvaise conscience à cause de cette liaison entre libéralisme et capitalisme et qu'ils consacrent suffisamment d'efforts pour redécouvrir les arguments théoriques et scientifiques qui font que cette mauvaise conscience n'a pas de raison d'être. Fin de citation. Démontrer le caractère scientifique du capitalisme en le détachant donc de tout lien au fait de la lutte des classes, tel était l'objectif du livre. L'auteur avait résumé pour cela les travaux américains de trois grandes écoles économiques de l'époque. La théorie du public choice, dite de l'école de Virginie, qui avait été le produit des recherches de James Buchanan, Anthony Downs et Gordon Tullock. En second lieu, la théorie du capital humain, la plus connue, dite de l'école de Chicago, fondée par Gary Becker. Et en troisième lieu, bien connue des Français, en tout cas des historiens français, la nouvelle histoire économique, qui était notamment illustrée par les ouvrages de Robert Fogel et Douglas North. Ces différents travaux n'étaient pas de même nature et n'avaient pas la même valeur scientifique. Les historiens de l'économie mentionnés avaient proposé une interprétation iconoclaste de toute une série de faits fondés sur l'établissement de données quantitatives. Ils dialoguaient pour cela facilement avec l'école française des annales. Fogel avait par exemple ainsi entendu démontrer que les conditions de vie, ce sera l'objet d'un de ses livres les plus célèbres, que les conditions de vie des esclaves du Sud étaient meilleures que celles des ouvriers du Nord. et que, contrairement à ce qui était alors souvent dit, le système esclavagiste était tout à fait profitable et productif. Utilisant en pionnier l'histoire contrefactuelle, il avait aussi relativisé le rôle des chemins de fer dans la croissance économique américaine à la fin du XIXe siècle. Douglas North fut, de son côté, avec Ronald Coase, le fondateur de ce qu'on appelait l'école institutionnelle en économie, qui avait souligné comment des dispositifs juridiques comme la garantie des droits de propriété avaient été des facteurs essentiels de développement en abaissant ce qu'on appelle en économie les coûts de transaction. Les coûts de transaction, c'est-à-dire le coût de collecte des informations et de sécurisation des contrats, distingués des coûts matériels de production. Ces travaux, à la frontière de l'histoire et de la théorie économique, étaient scientifiquement reconnus. Fogel et Coase auront, par exemple, le prix Nobel d'économie séparément. Leur contribution à la constitution d'un libéralisme de combat était de cette façon limitée, et c'est donc de façon cavalière que l'auteur de Demain le capitalisme s'en réclamait en les instrumentalisant. On pouvait dire la même chose de son utilisation de Gary Becker. Ce dernier avait pour ambition d'étendre le modèle de l'homo economicus à l'explication de tout un ensemble de comportements humains sans rapport avec l'existence d'un marché. Il publiera de cette façon des travaux célèbres sur les conditions de recherche d'un conjoint, le divorce, les taux de fécondité, la criminalité, les discriminations. Cette approche a été scientifiquement discutée et les résultats auxquels elle parvint fortement contestés. Mais elle ne légitimait aucune vision libérale du monde, puisque, à l'inverse, elle présupposait méthodologiquement cette vision libérale de l'homo economicus. C'est donc surtout la référence à la théorie du public choice qui, elle, était vraiment susceptible d'apporter de l'eau au moulin d'un libéralisme conçu comme un projet de société d'avenir. Les travaux de Downes, Buchanan et Tulloch, on peut ajouter Hayek, qui était leur père spirituel à tous les trois, soulignaient que le système démocratique conduisait souvent à prendre des décisions contraires à l'intérêt général et que l'État était de son côté davantage l'expression des corporatismes qui le structuraient qu'un agent de poursuite du bien commun. Il fallait donc, à leurs yeux, pour poursuivre le bien commun, réduire la sphère d'intervention étatique comme celle des mécanismes démocratiques majoritaires, en mettant par exemple en place, dans ce dernier cas, des formes de constitutionnalisme économique. Ils seront en effet les grands théoriciens du constitutionnalisme économique. D'où le lien entre cette théorie et une certaine radicalité libertarienne qui trouvera son expression publique dans l'Amérique des années 1970 et 1980 avec le grand ouvrage de référence de Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, livre manifeste qui conduira certains à faire de l'anarcho-capitalisme la clé d'une nouvelle révolution à entreprendre. Les tenants de cette utopie libertarienne ne constituaient qu'un petit groupe aux États-Unis qui excitait les discussions sur les campus, mais n'influençait la vie politique que de façon marginale, au moment où c'est le bréviaire réganien qui suffisait dans son simplisme à légitimer une inversion des modes de régulation et une réduction du montant des impôts. C'est aussi sur ce mode, que l'on pourrait dire trivial, qu'un certain libéralisme a alors commencé à se faire une place doctrinale en France dans l'ordre économique. Une place subordonnée, instrumentale, bien loin de l'ambition initiale d'une conquête de l'hégémonie intellectuelle. Les nouveaux économistes qui s'étaient voulus les fers de lance de l'entreprise, dans le sillage de la curiosité suscitée par la publication de Demain le capitalisme, n'avaient de toute façon pas vraiment l'envergure de grands auteurs américains qu'ils citaient. Ils n'avaient pas le talent médiatique des nouveaux philosophes qui battaient alors l'estrade de leur côté. C'est pour cela qu'ils s'étaient appelés les nouveaux économistes, voyant le succès qu'avaient les nouveaux philosophes dans les médias. Et avaient témoigné de leurs difficultés les conditions dans lesquelles il n'était pas facile alors de soutenir publiquement le rejet des formes démocratiques auxquelles conduisaient les théories du public choice. En avait témoigné de façon emblématique la gêne ressentie par ces tueries Ferrer d'un libéralisme radical lors d'une conférence donnée à Paris par Hayek, à laquelle j'avais assisté à l'Assemblée nationale. Hayek, considéré comme la figure tutélaire de cette radicalité libérale et de cette théorie positive du libéralisme, il avait en effet appelé à la mise en place d'un système politique soustrait aux aléas électoraux en confiant à une assemblée de sages d'âge mûr la direction des pays. Un tel libéralisme n'avait donc plus rien à voir avec celui de Benjamin Constant, Tocqueville ou John Stuart Mill. Et Raymond Aron, qui présidait la séance, en était resté sans voix, très embarrassé pour lancer la discussion. C'est donc sur un mode mineur qu'une certaine vulgate libérale trouvera ses avocats dans le monde public et politique en France, avec la formation d'un petit groupe de députés dont la boulimie de lecture de l'un d'entre eux, Alain Madelin, faisait des noms de Hayek ou de Bastiat des références qui émaillaient ses discours au Palais Bourbon et ses interviews dans la grande presse. Mais les effets intellectuels de ce regroupement de députés s'épuiseront avec la dissolution de fait du groupe qu'ils avaient constitué et qu'on appelait les nouveaux cadets de la droite. Pour une raison, hélas, très simple, c'est que deux d'entre eux, Michel Noir et Alain Carignon, qui étaient parmi les chefs de file de ce groupe, passeront par la case prison à cause d'une affaire de corruption. Donc la construction intellectuelle de cette alternative libérale s'en trouvera fortement limitée. C'est dans une direction tout à fait opposée que la montée en puissance des idées d'une nouvelle droite fut, elle, beaucoup plus manifeste pendant ces années. Cette dénomination de nouvelle droite était d'ailleurs un euphémisme. On avait en effet entendu désigner par ce qualificatif le retour d'une pensée d'extrême droite intellectuellement structurée vers la fin des années 1970. En réaction à mai 68, un petit groupe réuni autour d'Alain de Benoist avait fondé le GRES, c'est-à-dire le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne. À cette société de pensée s'était lié un peu plus tard un club de réflexion politique, le Club de l'Horloge, qui jouera un rôle actif à la frontière du Front National et du RPR dans les années 1980. Intellectuellement, c'est autour du GRES que l'essentiel se jouera. L'objectif était clairement affiché: mettre en œuvre une stratégie de prise du pouvoir culturel, ce qu'Alain de Benoist appelait développer un gramschisme de droite. Et les animateurs du groupe, du GRES, parlaient ainsi de s'atteler à une entreprise métapolitique pour combattre la gauche, dont la force, ils le voyaient bien, reposait au premier chef sur la façon dont leurs idées avaient pénétré la société. Ils n'hésitaient pas pour cela à qualifier leur entreprise de proprement révolutionnaire. Et leurs principaux mots d'ordre étaient ceux de défense de l'Occident et de ses valeurs, de dénonciation d'une immigration de couleur qui menaçait l'identité ethnique et culturelle du pays, du refus du métissage sur la base d'une appréhension racialiste du droit à la différence et d'une stigmatisation des effets jugés pervers de l'égalitarisme. Le GRES faisait retour sur cette base à la littérature fascisante et raciste des années 1930. Et on avait l'impression, en lisant leurs deux revues théoriques, Éléments et Nouvelle École, de se replonger dans du Drieu-La Rochelle ou du Céline. Un rejet du monde et des valeurs judéo-chrétiennes, une attirance pour les vieux rites païens, ils appelaient ainsi par exemple leurs lecteurs à fêter tous les solstices en famille et à se réunir comme les druides d'autrefois avec un sentiment antichrétien très fortement affirmé. En même temps qu'ils revendiquaient en permanence l'héritage indo-européen et mettaient l'insistance sur le développement d'un projet biopolitique. Ce projet biopolitique, maintenant le mot biopolitique, nous le comprenons avec le sens que Foucault a donné à ce terme. Mais chez cette nouvelle droite, c'était bien dans une perspective eugéniste qu'il parlait de biopolitique. Je cite ainsi ce que de Benoist écrivait dans La Nouvelle École. « La vraie politique, écrivait-il, c'est la biopolitique. Il importe avant tout que la vie soit préservée. Le reste, L'économique, le social sont des applications importantes mais secondaires. Or, l'homme est aujourd'hui menacé de deux façons, en tant qu'espèce et en tant qu'individu. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. L'évolution n'est pas finie, du moins rien l'autorise à le croire. L'évolution, c'est la différenciation et la sélection. Et de ce côté-là, nous avons pris un très mauvais chemin. C'est là que l'homme est menacé comme individu. Sous la pression des idéologies contemporaines, la différenciation et la sélection ont perdu force de loi. Le progrès déraille, car on ne progresse vraiment qu'en restant soi-même. Le ressort créatif prend ses racines dans un vieil inconscient collectif, une structure mentale que les millénaires, des siècles et des siècles de sélection ont formée, d'où la nécessité de l'enracinement. On était donc évidemment bien loin de Michel Foucault. Et si aucun antisémitisme n'était affiché, c'était plus parce qu'il apparaissait comme circonstanciellement secondaire que parce qu'il était intrinsèquement condamné. Mais outre ces propositions et ces positions doctrinales qui sentaient le soufre et renvoyaient au visage le plus sombre de l'histoire de l'extrême droite, jusque dans leur apologie sans nuance, donc des politiques eugénistes, d'autres orientations apparaissaient à certains comme plus séduisantes, comme par exemple leur célébration des régionalismes et la violence de leur anti-jacobinisme qui semblait en phase avec l'esprit des années 70, même si c'était chez eux d'un héritage maurassien qu'il s'agissait en la matière. Et leur anti-américanisme viscéral faisait aussi beaucoup d'adeptes, comme leur anti-libéralisme radical et leur dénonciation des valeurs marchandes. L'ennemi principal, dira ainsi Alain de Benoist, pour nous, c'est le libéralisme bourgeois et l'Occident atlantico-américain, dont la social-démocratie européenne n'est que l'un des plus dangereux succès d'année. Donc, ces tirades anticapitalistes, anti-américaines, attiraient l'attention de quelques personnes à gauche, en tout cas chez ceux qui connaissaient mal l'histoire et ne se souvenaient pas de la virulence de l'anticapitalisme d'un Édouard Drummond ou d'un Auguste Chirac, par exemple. Leur dénonciation, dès le début des années 1980, du culte des droits de l'homme, avait aussi retenu l'attention de certains milieux souverainistes. Tout cela formait une véritable école de pensée structurée, dont un de leurs soutiens dira à juste titre qu'elle n'avait pas eu d'équivalent à droite depuis la disparition de l'Action française. Une école de pensée jugée à même de confronter le marxisme. C'est pourquoi je lisais avec attention ces revues. Difficile parfois à se procurer, pour ma part, j'allais dans une petite librairie de la rue des Pyramides qui était spécialisée dans la littérature négationniste et dans laquelle les habitués se mettaient à parler à voix basse dès qu'un intrus de mon genre en franchissait le seuil. Dans ces années 1970 et 1980, leurs publications étaient restées relativement confidentielles. Mais elles avaient eu un écho sans commune mesure avec leur diffusion du fait des relais dont ils avaient commencé à disposer dans la grande presse. Après un passage au Spectacle du Monde et à Valeurs Actuelles, dont l'audience était certes bien moindre qu'aujourd'hui, le coup d'éclat d'Alain de Benoist avait été de séduire Louis Powells, qui venait de fonder le Figaro Magazine. Figaro Magazine, dont le succès avait été immédiat, puisque un mois seulement après son lancement, il avait atteint la vente de 500 000 exemplaires par semaine. Et le directeur d'Élément disposa là d'une tribune régulière où il put diffuser ses idées à une large échelle en les faisant admettre comme nouvelles. Il était devenu une personnalité acceptée et reconnue à droite, comme en avait témoigné le prix de l'essai décerné en 1978 par l'Académie française pour son « Vue de droite ». Et des journalistes avaient alors été jusqu'à le qualifier d'Attali de droite, ce qui se voulait probablement valorisant sous leur plume. Mais des articles dénonciateurs, des remugles nazis que cette prose continuait d'exhaler, notamment parus dans Le Monde et dans Le Nouvel Observateur, fragilisèrent au début des années 80 sa position dans l'hebdomadaire, qui finit par lui fermer ses portes au début des années 80. Et il retomba du même coup dans un certain oubli, le rebondissant un peu qu'avec le lancement en 1988 d'une nouvelle revue Crisis, au moyen de laquelle il tenta de donner un nouvel élan à son entreprise intellectuelle, de façon d'ailleurs assez habile, puisqu'il envoyait des lettres flatteuses à un certain nombre d'auteurs très connus, parfois même des auteurs de gauche, en leur disant, non pas qu'il leur demandait un article, ils savaient bien qu'ils ne l'auraient pas, mais qu'ils souhaitaient être autorisés à republier un papier déjà paru. Et c'est pour cela que, sans faire attention, des très grands noms de l'université donnèrent leur accord pour avoir un article reproduit dans Crisis qui était présenté, puisque ce n'était pas le cas, comme une production originale. J'avais suivi avec attention cette production, en ayant été surpris du manque de discernement d'un certain nombre de mes amis à gauche pour qui l'anticapitalisme valait automatiquement brevet de proximité acceptable. Mais le choc en la matière, le plus grand, avait été de lire, à l'été 1979 dans Libération, sous la plume de Guy Hockenheim, une grande figure du gauchisme culturel de l'époque, le fondateur du Front d'action homosexuel révolutionnaire, d'un long article de 5 pages qui marquait son intérêt pour cette nouvelle droite en appelant les lecteurs du journal à ne pas la confondre avec un giscardisme conservateur. Cela avait provoqué des remous dans le journal et chez les lecteurs, mais Hockenheim était resté ferme sur ses positions. Cet article, informé, réfléchi, m'avait conduit à m'interroger au fond sur la façon dont pouvaient se construire des rapprochements intellectuels inattendus et s'opérer des retournements d'affiliation. L'article commençait par le récit d'une rencontre avec Alain de Benoist. Antisémitisme, Alain Benoist lui avait confié qu'il sortait de chez un rabbin, sikh. Réactionnaire, il avait dit, ce qui était le cas, ne rien avoir de commun avec la droite de gouvernement, et laisser comprendre qu'il la méprisait profondément, et donc qu'il n'y avait aucun lien entre cette droite de gouvernement et lui-même, ce que laissait entendre parfois un certain nombre de journaux, ce qui n'était en fait pas le cas. Mais il avait en revanche confié beaucoup aimé Libération, journal avec lequel il disait partager beaucoup de remises en cause. Guy Hockenheim ne pouvait pas être totalement dupe de l'entreprise de séduction lors de cette rencontre. Et il avait décrit celui qui lui parlait comme une plante carnivore qui lui semblait lui parler gauchiste. Mais à coup de petits signaux de complicité ou de références partagées, en disant par exemple son admiration pour Pasolini, Alain de Benoist avait su conduire son interlocuteur à baisser sa garde. Et ce, d'autant plus que celle-ci était beaucoup plus politique qu'intellectuelle. La grande prévention à l'époque était de savoir s'il y avait une complicité avec le giscardisme. C'est cela qui comptait d'abord. Est-ce qu'il y avait une complicité politique ou pas? S'il n'y avait pas de complicité politique, alors les choses étaient vues comme différentes. Et de Benoist n'avait pas eu de mal à faire admettre à son interlocuteur que la réflexion de la droite, autant que celle de la gauche, n'était pas à la hauteur des enjeux contemporains. Et une fois de plus, la gauche est en retard d'une guerre, opinera Hockenheim. C'était du même coup constitué entre les deux interlocuteurs le sentiment diffus, et l'article en rend bien compte, d'appartenir à ce que l'article appelle une aristocratie des esprits libres qui rendait l'échange possiblement fructueux. Mais au-delà d'un tel mode de constitution psychologique, d'un rapprochement dont l'article témoignait de façon exemplaire, c'est sur le processus de constitution des équivoques intellectuels que l'article était le plus passionnant. Je donne 3 exemples. Alain de Benoist se disait le disciple d'un éthologue comme Konrad Lorenz et se posait en précurseur de l'attention écologique au monde, montrant qu'il lisait toute la littérature fondatrice de l'écologie aux États-Unis à l'époque. Hockenheim pouvait partager sans peine cette attention aux découvertes scientifiques. Et il y voyait même un salutaire anti-humanisme qui consonnait à ses yeux avec les structuralismes de l'époque. L'anti-humanisme était une expression très bien vue dans le monde intellectuel à l'époque. Mais chez Alain de Benoist, cela nourrissait une vision racialiste et darwinienne de l'humanité, bien au-delà donc d'une simple attention à laisser une terre habitable aux générations futures. On voyait bien dans ce cas comment une même affirmation intellectuelle pouvait s'inscrire dans deux perspectives politiques et philosophiques radicalement opposées. Il en allait de même en matière d'avortement. Le maître penseur de la Nouvelle Droite était un chaud partisan de la légalisation de l'avortement. Il avait donc, de cette façon, tout pour s'attirer les sympathies de toute une partie de la gauche intellectuelle sur ce point. Sauf que chez lui, cette légalisation était comprise et défendue comme l'ouverture d'une brèche qui permettrait, je le cite, « d'aborder franchement la question de la sélection des individus ». À 100 lieues donc d'un avortement appréhendé comme un droit personnel des femmes. Même chose en matière de droit à la différence. Alain de Benoît avait séduit Guy Hockenheim en s'en déclarant un ardent et inconditionnel défenseur. Le thème était alors du droit à la différence sur toutes les lèvres et sous toutes les plumes. Mais il en tirait, lui, la conséquence qu'il fallait condamner le mélange des races et justifier le droit de vivre égaux et séparés selon les termes de l'idéologie raciste américaine. Tout cela montrait que cela n'avait pas de sens d'en rester aux mots et aux pétitions de principe pour juger d'une proximité effective, et que l'appréhension d'une analyse ou d'une position n'avait de sens qu'insérée dans la philosophie de l'homme et de la société qui la sous-tendait, ainsi que liée aux conditions de son institutionnalisation. Cette leçon n'avait pas alors été tirée. C'est plus tard que la question de ces convergences problématiques allait ressurgir. En ce début des années 1980, les ambitions opposées des nouveaux économistes et de la nouvelle droite avaient finalement échoué à opérer le retournement d'hégémonie qu'ils avaient projeté. Mais le feu couvait, il allait reprendre sur le terrain d'un antilibéralisme d'abord diffus. À distance de ces deux premières tentatives contraires et concurrentes d'inverser la marche des idées, nouveaux économistes et nouvelles droites, c'est une autre vague de fond d'apport à peine perceptible qui va se former au large pour venir spectaculairement battre le rivage au tournant du XXIe siècle. Tout un ensemble d'essayistes et d'intellectuels venant de la gauche pour la plupart, d'abord distants les uns des autres, sans histoire commune, vont progressivement dessiner à gros traits les contours d'une critique du monde contemporain en rupture frontale avec les canons traditionnels et dominants du progressisme. On les qualifiera bien plus tard, à leur grande dame, de nouveaux réactionnaires ou d'antimodernes. Et la résistance des intéressés à se voir renvoyés collectivement à une même catégorie estimée dépréciative. C'était les cours du Collège de France les 17-24 janvier 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, misère du social-libéralisme et nouveau paysage des idées. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible dans la collection Point Seuil depuis 2017. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mary Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du nouveau paysage des idées à partir des années 1990 en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.